18. Tom est fait chevalier de la table ronde. Le roi, qui aimait les arts par-dessus tout, fut enchanté de voir que son petit Tom avait une qualité de plus. Voulant donc lui donner une marque de satisfaction, non content de lui conférer tous les ordres du royaume, il le fit chevalier de la table ronde et l'appela Tom Ier. L'habit de Tom, qui était fort râpé et même percé en plusieurs endroits, et notamment au coude, n'étant plus en rapport avec sa nouvelle condition, on fit venir le tailleur de la cour qui lui confectionna un équipement complet, habit, veste et culotte, le tout en étoffe du plus haut prix et fait à la dernière mode. La reine ajouta à ce don, pour les cas de guerre ou de tournoi, une cuirasse faite d'un seul diamant, un fort beau sabre bien affilé et une cotte de maille, tout en or et d'un travail si fin que la pointe de la plus fine aiguille n'aurait pu la traverser. Le reste était à l'avenant et se composait d'un casque taillé dans une opale qui jetait ses feux chaque fois que Tom remet la tête et dont les grettes, qui se balançaient au moindre vent, étaient faites d'une petite pluie fine d'eau de senteur solidifiée et enfin d'un superbe cheval de bataille richement caparaçonné. Ce cheval était un rat musqué de la plus rare espèce. Nous nous garderons bien d'oublier le beau carrosse d'apparat dans lequel tous ces cadeaux furent apportés au nouveau chevalier et qui était traîné par 4 petites souris blanches. 19. Tom fait des caricatures. Le roi ayant remarqué que Pouce, tout petit qu'il était, voyait très juste et saisissait parfaitement les travers des gens, lui envoya son album sur lequel il lui dit de traduire à sa façon tout ce qu'il verrait et surtout de ne pas épargner ses amis ni les gens de sa cour. Ce fut alors que Tom fit cette fameuse série de dessins qui donnèrent tant de prix à ce que l'on appelait alors l'album du roi. Ces dessins étaient sans doute presque imperceptibles, mais en les regardant avec un verre grossissant, comme le roi ne manquait pas de le faire, ils prenaient des proportions raisonnables et étaient véritablement fort amusants, car ils formaient une critique spirituelle des choses et des gens de ce temps-là. Tom, sur les ordres du roi, et avec le roi lui-même, qui sortait souvent déguisé, avait été dans tous les endroits où il y avait à exercer sa verve. Les théâtres, les musées, les concerts, tous les lieux publics, les grands et les petits, les hommes d'État, les artistes, les gens de lettres, les livres, etc. Tout le royaume avait payé tribut à son crayon. Tant et si bien que le roi n'eut de cesse que quand il eut fait, au grand désespoir de tous ceux qui s'y trouvaient attaqués, graver la collection des œuvres de Pouce. Ce qui nous permet de vous en donner ici un très léger échantillon, c'est-à-dire la partie seulement qui ne peut nous brouiller avec personne. Album du roi par le chevalier Tom Pouce, 100e édition. Au roi Arthur, son très humble et très obéissant serviteur, Tom Pouce. La justice poursuivant le crime. Le président, accusé, dites-nous quel motif vous a poussé à voler des pommes. L'accusé, je les aime trop, mon président. L'accusateur, le défenseur, messieurs les juges, se recueillent. Canon de bois portant à 1200 lieues. Les grandes manœuvres du général Toto. Volontaire d'un an. Un vieux troupier. Au musée de peinture. Beaucoup plus amusante à regarder que sa peinture. Un petit prodige. Attend l'inspiration. Terre, lune. Un habitant de la Lune demande au moyen du téléphone des nouvelles de M. Verne et l'autorisation de reproduire ses livres. Le rapide destiné à faire le tour du monde en 80 secondes. Un matelot du frigorifique. Un solliciteur. Une présentation. Le quart d'heure de Rabelais. Course au clocher. Le héros des courses. Avant la lutte, après la victoire. Un orateur prolixe. Invalidé. Validé. Un nouveau ministre. J'ai froid. Mais ce n'est pas tout rose que le métier de frondeur. À peine l'album du roi fut-il publié, il le fut d'abord dans son entier, que le petit Pousset eut des ennemis, car, si petit qu'il fût, son crayon le rendait redoutable. 21. Grand combat. Tom, un cheval tué sous lui. Plus d'une fois, il eut à se repentir de s'être laissé aller à son goût pour la critique, et notamment dans quelques circonstances malencontreuses où, ayant besoin de secours, il n'en trouva pas. Un jour que Tom, monté sur son rat musqué, accompagnait le roi à la chasse, un chat énorme sortit tout à coup d'un fourré, s'élança d'un bond sur lui, et, avant que Tom eût le temps de se mettre en défense, emporta sur un arbre la monture et le cavalier. Les courtisans qui se trouvaient là avaient bien vu la maudite bête et rien ne leur était plus facile que de lui barrer le passage. Mais ils avaient profité de la distraction du roi qui, en ce moment, regardait d'un autre côté pour n'en rien faire. « Qu'il s'en tire comme il pourra, » se disait-il. « Pourquoi s'est-il moqué de nous ?» Ils n'eurent l'air de s'apercevoir de ce qui venait de se passer que lorsqu'il était déjà trop tard pour y porter remède. Quand le roi, en levant la tête, vit le danger que courait son petit favori, il ne put que s'écrier « Ah, mon Dieu !» tant il ressentit de peine. Cependant, Tom, quoique blessé, était parvenu à se débarrasser des griffes de son terrible adversaire, et, ayant dégainé, il le chargea si fort qu'il le mit en fuite en le forçant d'abandonner son coursier. Malheureusement, le pauvre rat musqué était mort dans la bagarre. Ce combat fut d'autant plus glorieux qu'ainsi que nous l'avons dit, il se passait sur un arbre, ce qui donnait tout l'avantage au chat qui s'y tenait comme sur son terrain naturel. Mais la victoire coûta cher au pauvre Tom. On le vit tout à coup chanceler, puis tomber. C'en était fait de notre héros si le roi n'eût obligeamment tendu, pour le recevoir, son chapeau dans lequel se trouvait par bonheur un mouchoir qui amortit la chute. La chasse fut aussitôt interrompue et on reporta Tom évanoui dans le palais du roi. Quand la bonne reine le vit revenir dans cet état, elle faillit s'évanouir aussi et renvoya toute sa suite, en ordonnant à chacune de ses femmes de ne parler que tout bas tant que la santé de Tom serait en péril. Puis, s'étant enfermée avec lui dans ses appartements, elle le soigna de son mieux et le mit dans du coton, avec des coussins de velours sous sa tête. Mais rien n'y fit, soin, ni peine, ni caresse. Et Tom, qui se sentait mourir, n'avait plus qu'un regret, c'était de mourir sans avoir revu son père et sa mère. 22. Le grand Merlin vient à son aide. Le grand Merlin, qui n'avait pas perdu Tom de vue un seul instant depuis le jour de sa naissance, à laquelle il avait, on s'en souvient, si fort contribué, le grand Merlin, dis-je, ayant vu le danger où se trouvait Pousse, alla trouver sa marraine et lui dit « Pour cette fois, il faut le sauver, car il n'y a pas de sa faute ». La reine des fées aussitôt monta avec l'enchanteur, qui se rendit invisible dans son chariot volant, auquel étaient attelés plusieurs petits oiseaux, et elle entra par une fenêtre du palais dans la chambre de la reine, qui était encore au lit, car il était bon matin. « Je viens chercher Tom, » dit la fée à la reine. « Quand il sera guéri, je vous le rendrai. » Puis elle l'emmena dans son royaume. La reine ne s'opposa point à ce brusque départ, car enfin, se dit-elle, c'est pour son bien qu'on me l'enlève. Mais quand le roi sut ce qui s'était passé, il entra dans une fureur épouvantable et sortit pour rattraper Tom si c'était possible. Mais il ne vit plus rien en l'air que quelques suivantes de la reine des fées qui volaient derrière son char. Il leur cria si fort de s'arrêter et d'une façon si brutale que l'une d'elles, s'étant retournée, lui cria du haut des airs qu'il était un mal appris. Et c'est tout ce qu'il put en obtenir. « Mais, lui dit la reine, pourquoi aussi vous fâchez, puisque j'ai la parole de la fée et que Tom nous sera rendu ?»« Au fait, c'est vrai, dit le roi, et j'ai eu tort, mais je ne saurais me passer longtemps de ce cher petit-là. Je l'aime comme mon enfant. S'il avait seulement un pied de plus, j'en ferais l'héritier présomptif de ma couronne, et mes sujets auraient en lui un fameux monarque. » Tom, arrivé chez sa marraine, n'eut pas de peine à guérir, car elle avait un baume qui guérissait toutes les blessures. Dans le royaume des fées, Tom eût joui du parfait bonheur s'il n'avait été tourmenté par le louable désir de retourner chez ses parents. Il pria tant la fée qu'elle se laissa fléchir, mais à condition qu'il ne resterait qu'une journée à la cabane où il avait vu le jour. Tom promit, il le fallait bien.